إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous terminons inshallah ta'ala l'explication du livre en langue française et sa traduction Al-Qawa'id al-Muthla fi sifati Allah wa asma'ihi al-husna ila 'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Donc on est dans le chapitre où le shir, il va réfuter tout ce qui a été dit de la part des gens de l'interprétation, et pleinement les gens de l'altération, Ahlul Ta'til, ceux qui ont renié et qui ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont donc avancé à propos des gens de la sunna du consensus qu'ils avaient eux fait preuve d'interprétation, une interprétation qui est en réalité non valable. Et donc ces accusations faites, le shir rahimahullah ta'ala, il va les réfuter une par une, c'est-à-dire qu'il va réfuter ces accusations et prouver qu'il n'y a pas eu d'interprétation, si ce n'est l'interprétation dans le sens du tafsir, dans le sens donc de l'éclaircissement du sens du verset, à titre d'exemple, ou lors du hadith, à titre d'exemple, qui va comprendre donc cet attribut. Ou alors une interprétation qui va être faite suivant une preuve précise du livre de la sunna. Donc ça, on a déjà parlé dans les cours précédents, et on a traduit en introduction à ce nouveau chapitre. Et donc le shir, il va continuer à nous donner des exemples. On avait vu déjà trois exemples, et ici ça va être aujourd'hui le quatrième, également le cinquième et le sixième. Le shir nous dit, rahimahullah, al-mithal al-rabi'a, qawluhu ta'ala, thumma stawa ila sama. Donc ici, un verset du Coran qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 29. Allah Azza wa Jal يقول سبحانه ثم استوى إلى السماء. Donc ici on va voir apparaître un terme qui s'appelle ثم استوى. Le terme ici c'est le verbe استوى. Et donc on prend المصدر منه qui est الاستواء. ثم استوى إلى السماء. Donc un verset ici, une partie d'un verset qui est court, et dont les gens à l'autre partie, ils ont accusé donc les gens de la sunna et du consensus d'avoir interprété le verset. Ici, le shir va répondre donc à cet exemple. Il va nous dire wal jawab anna li ahli sunna fi tafsirha qawlan. Donc les gens de la sunna, à propos du tafsir de ce verset, deux avis qui est différent. Le premier avis, ahaduhuma annaha bi ma'na irtifa'a. أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفعهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. Donc ici le premier sens qui était donné ce verset du Coran, et qui est un des avis des gens de la sunna du consensus, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla ici, il s'est élevé aux cieux, donc on voit ici, c'est pour ça donc que Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, comme le rappelle le shir, lorsqu'il a énuméré et cité la divergence des savants par rapport au sens de ce verset-là, et qui contient bien entendu un attribut. Et bien entendu, la divergence ici, c'est quant au sens. Et on va voir, à partir du deuxième sens qui était donné, qu'il n'y a aucune interprétation qui a été faite dans le sens de l'altération du sens, mais bel et bien le sens même, donc, de ce qui est valable dans le sens, dans la langue arabe du terme istawa. Donc Ibn Jarir, après avoir rapporté la divergence entre les savants quant au sens de ce verset-là, il va lui pencher sur le sens qui est donc bimarna irtafa'a ila sama, qui s'est donc élevé au-dessus des cieux, ou alors vers les cieux. Et il dit donc bimarna irtafa'a, c'est-à-dire qu'il s'est placé au-dessus, il s'est élevé, subhanahu wa ta'ala. Fadabbarahunna biqudrati, donc il les a gérés, il les a agencés de par sa puissance. Wa khalaqahunna sab'a samawat, et il les a créés donc en sept cieux. Également, il dit le Cheikh, wa dhakarahu al-Baghawi, Siri. L'imam également al-Baghawi, rahimahullah, dans son tafsir, il a rappelé également ce sens. Et il nous rappelle ici, qu'au Ibn Abbas, wa aktharu mufassir al-Salaf. La parole d'Ibn Abbas, de la plupart des gens du tafsir parmi les Salaf. Wa dhalika tamassukan bil-dhahir lafdh-istiwa. Donc ici, on voit qu'ils se sont accrochés. Ces mufassirin sont accrochés donc au terme istawa, qui est le verbe ici, istawa, du masdar al-istiwa. Donc ils se sont accrochés au sens apparent de ce terme-là. Ils ont dit donc qu'Allah Azzawajal, il s'est élevé vers les cieux, subhanahu wa ta'ala, il a sama. Et il, comme il le répète ici, comme il le rapporte, tafwidan li'ilmi kayfiyati hadha li'irtifa' ila Allah. C'est-à-dire, en remettant, ici on voit bien que c'est le terme tafouïd, mais lorsqu'on a dit tafouïd, comme on l'a vu précédemment, c'est bel et bien ici fil kayfiyya, c'est donc ce qui concerne le comment des attributs d'Allah Azzawajal, et plus précisément ici, tafouïdan li'ilmi kayfiyyati hadha li'irtifa', c'est-à-dire donc, en remettant à Allah Azzawajal la science du comment de cette élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le comment de cette élévation. Mais nous, nushbit, c'est-à-dire nous attestons qu'Allah Azzawajal ici s'est élevé. Donc ça rentre dans le sens istawa. Donc c'est tout à fait acceptable par rapport au sens linguistique, et c'est son avahir, c'est donc son apparence qui est donnée ici. Ça c'est pour le premier avis. Le deuxième avis, il nous dit le Cheikh rahimahullah, والقول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام وإلى هذا القول ابن كثير في تفسيره سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة الفصلات قال ابن كثير أي قصد إلى السماء والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله على كل حال ici le deuxième avis c'est le suivant, c'est que معنى الاستواء ici puis marna al-qasd al-tam, c'est-à-dire la volonté absolue, la volonté totale. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté absolue, la volonté totale? C'est qu'Allah Azzawajal, dans ce verset, istawa ila sama. Donc, il a eu pour volonté de se diriger vers les cieux, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la volonté al-qasd al-tam. Il va nous dire que ça c'est l'avis de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, et également l'imam al-Baghawi fi tafsir surat Fussilat. Il rapporte donc la parole d'Ibn Kathir et yqasada ila sama, donc il a eu ici la volonté, cette volonté yqasada ila sama, cette volonté donc d'aller aux cieux subhanahu wa ta'ala. Wa l'istiwa'u hauna dhamma la ma'na al-qasd wa l'iqbal. Ici, ma'ana al-istiwa, c'est ma'ana al-qasd wa l'iqbal, qui est bel et bien valable par rapport donc à la langue arabe. Ce terme, par rapport à la langue arabe, est bel et bien valable lorsque on a annexé à ce terme-là, l'istiwa, la particule ila, harf ila, harf ila, ena. Donc il nous dit ma'ana al-qasd wa l'iqbal, donc s'apprête à faire, lorsqu'on a la volonté de faire. Ici, on utilise ce terme, l'istiwa, ila. On voit bien ici qu'on a rajouté. On n'est plus avec la particule ala, mais avec la particule ila. Et donc le sens, il va changer. Et ça, c'est connu dans la langue arabe, que les verbes, lorsque on leur annexe une particule qui va être différente, ils prennent des sens différents. ils prennent des sens différents. Ça, c'est tout à fait connu dans la langue arabe. Et ici, on l'applique également à ce terme, à l'istiwa. Il y a l'istiwa ala, ou istawa ala, ça prend un sens qui est bien précis, qui est l'irtifa ala, taïb, wa istawa ila, ou l'istiwa ila, ça prend donc le sens de al-qasd wa l'iqbal. Il nous dit le shir ici, وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. Donc ce terme là, cette parole là, ce n'est pas donc avoir fait dévier la parole de son sens apparent, comme on peut accuser les gens de l'altération à notre tartil, en accusant donc les gens de la sunnah du consensus d'avoir fait cela lorsqu'ils ont interprété d'après eux une interprétation non valable par rapport donc aux règles pour ce qui est de ce verset. Et le cher donc il va répondre que ce n'est pas ici, on n'a pas fait sortir le terme de son sens apparent. Il nous dit وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ إِسْتَوَى اِقْتَرَنَا بِحَرْفٍ يَدُلُّ عَلَى الْغَايَةِ وَالْإِنْتِهَاءِ. Donc ce verbe istawa, il a été donc annexé, additionné à une particule comme on l'a dit, et qui a pour sens qui va indiquer la fin et ce qu'on doit atteindre, al-raya, al-ittira. Comme par exemple on dit adhabu ila madrasa, c'est-à-dire je vais à l'école, c'est-à-dire lorsque je pars et je vais en direction d'où de l'école jusqu'à que j'arrive à l'école. Donc al-raya ici, le but ici de mon parcours, c'est d'arriver à l'école. On voit bien ici que c'est le raya, adhabtu ou adhabu ila madrasa. De même ici le terme istawa ila, استوى إلى يقول الأنقاع فانتقل إلى دين الشيخ فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى ممكن يقول الشيخ lorsqu'on va donc appliquer et annexer donc cette particule au verbe, alors le sens du verbe il va prendre un sens qui va être en harmonie avec la particule à laquelle il était annexé, tout simplement. Comme on l'a. Ensuite, le Shernam, il va nous rapporter ensuite un verset du Coran qui vient ici dans, pour prouver donc que le sens il peut changer et qu'il peut avoir donc un sens différent lorsque un verbe il est utilisé avec une particule qui va être différente de celle avec laquelle il est employé habituellement. Ici, c'est le verset suivant. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها ويروى فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به يلتئم الكلام. Donc le chéri à propos de ce verset qui est le suivant, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, ils la feront jaillir en abondance. طيب. Ici, bien entendu, dans la traduction, ça ne va pas apparaître. Mais lorsqu'on regarde le terme en arabe, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus évident à comprendre. Parce que le shir dit, rahimahullah, que dans ce verset, aynan yashrabu, habituellement on dit aynan yashrabu minha. Donc, anta tashrab minha min al-ayn. Tashrab min al-ayn. Al-ayn ici, qui est bien entendu une source d'eau. Et donc on dit, de manière habituelle, yashrabu minha. Donc on emploie la particule min après le verbe. Donc on annexe min. Yashrabu minha, ça veut bien dire boire. Comme on connaît, c'est boire. On boit donc de cette source-là, on boit de cette eau-là. Ici dans le verset, on a biha. Donc elle était le verbe il était annexé non à min, mais il était annexé au bas. Ici, yashrabu biha. Lorsqu'il était annexé au bas, il va prendre un autre sens. Et ce sens-là, comme il le dit le shir, c'est bimarna yarwa. Yarwa, que l'on va traduire par s'abreuver, étancher sa soif. Donc c'est beaucoup plus appuyé que de simplement boire. C'est plus que boire ici, c'est s'abreuver. C'est étancher sa soif. Lorsqu'on va donc boire de cette eau-là, on va totalement s'abreuver, on va totalement étancher sa soif. C'est ça, al-marna. Donc on voit que c'est différent que du simple verbe yashrabu minha. On voit le fait d'avoir annexé une particule différente de celle habituellement annexée à ce verbe-là qui est min, et en l'occurrence ici qui est le bas, on va s'apercevoir que le sens il va changer. Ça, c'est un exemple que nous a donné le Cheikh à titre de preuve que ce procédé, il est bel et bien présent dans la langue arabe, il est utilisé, il est appliqué, et c'est ainsi donc qu'on va comprendre au niveau du sens apparent. Donc on est bien ici dans le sens apparent, on n'a pas fait un acte d'interprétation et on n'a pas fait sortir le texte, on n'a pas fait sortir le terme de ce qu'il indique en apparence. Et on a bel et bien, donc le verbe ici, yashrab, on l'a bel et bien donc interprété dans le sens, expliqué, afin qu'il soit en harmonie avec la particule à laquelle il est annexé. Donc ça, c'est un exemple qui est également clair pour prouver que lorsque les gens de la Sunna, et qui est un des avis des gens de la Sunna, on a vu que les autres, ils n'ont pas pris en compte, le premier avis n'ont pas pris en compte la particule là. Ils sont accrochés au terme istawa, qui est de façon générale ala, qui bimarna ala, donc se place au-dessus, et rotafara, élevé, taïb, sans prendre en compte directement, on va dire, la particule qui est après, que ce soit ila ou ala. Par contre, le deuxième avis, qui est en réalité un avis qui est ici, plus précis, dans le sens où ils ont bel et bien pris en compte la particule ila, celle qui vient après, et qui lui ont donné donc son importance et qui lui ont ensuite donné son sens, comme cela est compris dans la langue arabe. Donc il y a à ce moment-là uniquement l'application de la compréhension d'après la langue arabe, al-lughat al-arabiyya, al-fusha. Taïb. Ça donc c'est un autre exemple par lequel le shir il va démontrer, il va prouver que ceux qui ont accuser les gens de la sunna à propos de ce verset d'avoir fait un acte d'interprétation, c'est-à-dire d'altération du terme de son sens, et de l'avoir fait donc dévier de son sens apparent, c'est totalement faux. On est bel et bien resté dans le sens apparent, mais en prenant de manière précise en considération ici le terme ou la particule ila. Ensuite, le cheikh va nous donner le cinquième et le sixième exemple. Yaqul rahimallah al-mithal al-khamis wa-salis. قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. Donc deux versets qui représentent donc deux exemples. Le premier c'est le premier verset, le deuxième c'est le deuxième verset. Donc le khamis ou sadis, le cinquième et le sixième. Le premier verset c'est le suivant qui fait sourate al-hadid et qui est le verset 4. Et il est avec vous que vous soyez. Donc on va rentrer ici dans al-ma'iyya. Le cheikh donc il va détailler. Ça va vous permettre également de donner la réelle signification d'après les textes, et ce qu'impliquent les textes du Coran de la Sunna, ce que veut dire Al-Ma'iyya. Al-Ma'iyya qui est la compagnie d'Allah Azzawajal. Donc ici, on va voir une explication et des détails donnés par le Cheikh Rahimullah à propos de Al-Ma'iyya, qui vient donc compléter le sujet par rapport aux attributs. Le deuxième verset, c'est le suivant, qui fait surat Al-Mujadala, qui est le verset lui 7. Ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux. Là où il se trouve. Il nous dit le Cheikh, wal jawab, an al kalama fi hatain al ayatain, haqqun ala haqiqati wa zahiri, walakin ma haqiqatu wa zahir. Donc, la parole ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la parole dans ces deux versets, est bel et bien réelle. Le sens est un sens qui est réel et apparent. Ala haqiqati wa zahiri. Il va nous dire le Cheikh, et ça c'est la question fondamentale, quelle est ici son sens réel et quel est son sens apparent, son sens réel, son sens apparent, quels sont-ils? Il va nous répondre en avançant deux propositions. La première, هل يقال إن الظاهرة وحقيقة أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم أو يقال إن الظاهرة وحقيقة أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه فوق جميع خلقه. Donc la première proposition, est-ce que l'on va dire que le sens apparent est la réalité donc de Al-Ma'iyya, de la compagnie d'Allah Azzawajal, c'est que cette Ma'iyya elle a pour implication. Donc elle implique qu'Allah Azzawajal, il est mélangé à ses créatures et qu'il se trouve avec eux dans leur place ou alors est-ce que ce qui apparaît du sens et de la réelle signification de Al-Ma'iyah, la compagnie d'Allah Azzawajal, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. Et l'implication de cette compagnie est qu'Allah Azzawajal sert, il les sert donc. Il les sert de par sa science, de par sa puissance, de par son oui, de par son audition, donc de par sa vue. Il est informé d'eux, subhanahu wa ta'ala, et également de par sa gérance, subhanahu wa ta'ala, et d'autres corps, signification ou sens qui rentre dans ce qui est compris des sens de Ar-Rububiyya, des sens donc de la Seigneurie d'Allah Azzawajal, avec bien entendu Ulouhi ma'Ulouhi, c'est-à-dire avec l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et la question, elle est plus qu'évidente par rapport au sens apparent et la réalité de cette Maria. Il nous dit le shirk. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان وإنما تدل على مطلق المصاحبة. Donc le shir nous dit que pour ce qui est de la première proposition, il dit que le fait de dire cette parole là de dire qu'Allah Azzawajal serait avec nous, qu'il serait mélangé avec nous, l'imanal serait mélangé avec nous, donc qu'il serait présent avec nous là où on est, dans nos places, il nous dit que le contexte et l'exposition du verset n'impliquent nullement ceci, et dans son apparence cela donc n'est pas indiqué sous quelques aspects que ce soit. Il nous dit pourquoi. Parce qu'on voit bien ici que Al-Ma'iyah, elle était annexée à qui? Donc la compagnie, elle était annexée à Allah Azzawajal. Al-Ma'iyah, udhifatil Allah Azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus grand. Il est bien plus immense, subhanahu wa ta'ala, d'être cerné par une de ses créatures. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, car Al-Ma'iyah, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la langue arabe, n'implique aucunement l'ikhtilat, c'est-à-dire le mélange, ou musahaba fil makan, c'est-à-dire la compagnie dans la place même. Il nous dit wa innama tadullu ala mutlaq musahaba, c'est-à-dire que elle a pour sens et elle indique la compagnie de manière absolue, et qu'ensuite cette compagnie-là, on va l'expliquer suivant le contexte où elle est placée, suivant le passage du verset où elle se trouve. Pour ce qui est du Coran. Ou alors, de façon générale, selon le contexte, en langue arabe, de façon générale. Si on donnait un exemple par rapport à la langue arabe, si on disait, lorsque une mère, elle envoie son enfant, par exemple, dans un autre pays pour étudier, ou dans un autre but, au moment où elle va sortir, elle va lui dire, je serai avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire ici, je serai avec toi? Avec toi. Wana ma'ak. Dans la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle sera avec lui là où il sera, ou alors ça veut dire qu'elle sera avec lui avec son cœur, et qu'elle lui fera des invocations, et qu'elle pensera à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ici au niveau de la langue arabe? On voit bien ici au niveau de la langue arabe, c'est bien pris au niveau du texte apparent, mais c'est expliqué suivant son contexte. Et le contexte ici, il est plus qu'apparent, il est plus que clair. Ça ne veut pas dire donc que cette mère, elle sera avec son enfant là où il ira. Taïb. Donc on voit que dans la langue arabe, il nous dit le shir, le fait de dire Ana ma'ak, je serai donc avec toi, ça ne veut pas dire, ça indique Al-Ma'iyah al-Mutlaq, ça indique donc la compagnie de manière absolue. Mais ensuite, suivant le sens et dans le contexte où est placé ce terme Al-Ma'iyah qui s'y mara, on va en donner l'explication et on va en donner le sens. Taïb, de même ici dans les versets du Coran, lorsque Al-Ma'iyah, elle a annexé Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela va impliquer qu'Allah Azzawajal est bel et bien avec nous, donc comme il nous l'a dit, de par les sens qui sont généraux et qui reviennent à Ar-Rububiyya, à la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui est sa science, sa toute puissance subhanahu wa ta'ala, qui est l'information qu'il a de nous continuelle, qu'il nous voit de partout et qu'il nous entend subhanahu wa ta'ala. C'est bel et bien ce que cela implique ici par rapport au sens. pour ce qui est de Ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'est pas dans une interprétation dans le sens, une altération du sens et de l'avoir fait dévier de son sens à part de ce qu'il indique de manière apparente. Ensuite il nous dit le cheikh, وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل باطل من وجوه. C'est le fait d'avoir expliqué qu'Allah Azza wa Jalla est avec nous, c'est-à-dire avec ses créatures, que cela a impliqué الحلول والاختلاط, donc Allah Azza wa Jalla est mélangé à nous, il est entre nous subhanahu wa ta'ala, عياذ بالله وتعالى الله عن ذلك. Il nous dit باطل, celui est totalement faux, من وجوه, et cela suivant plusieurs aspects, Et le chien, donc, il va nous rappeler les différents aspects. Il va nous dire, rahimahullah, al-awwal, annahu mukhalifun lil-ijma', annahu mukhalifun lil-ijma' al-salaf, fama fassaraha ahadun minhum bidhalik, bal kanu mujmi'in 'ala inkarihi. La première chose, donc le premier argument, c'est que c'est totalement en contradiction avec le consensus des prédécesseurs, l'ijma' al-salaf, car il n'y a aucun parmi eux qui a interprété donc cette Ma'iyya, cette compagnie d'Allah Azzawajal, de cette façon-là. Bien au contraire, au milieu des chiens, ils étaient tous donc unis et tous unanimement d'accord pour réfuter cela. Athani, annahu munafi li'ulouhi Allah ta'ala, athabiti bil-kitab wa sunnah wa al-aql wa al-fitra wa ijma' al-salaf, wa ma kana munafian lima thabata bidalil kana batilan bima thabata bi. ذلك المنافي وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. Donc également le deuxième aspect ou la deuxième argumentation, c'est que cela va en complète contradiction avec l'élévation d'Allah Azza wa Jalla au-dessus de ses créatures. Allah il est élevé au-dessus de ses créatures. Il s'est établi sur son trône au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Cette élévation qui est attestée par le livre d'Allah, dans maintes versets, que ce soit de manière explicite, de manière claire, que ce soit compris parmi les noms d'Allah Azzawajal, et comme on l'a déjà étudié de façon précise, lorsqu'on avait vu Al-Ulu, fi kitab al-A'lam al-Sunnah, les repères de la Sunnah, de Cheikh Hafid al-Hakami, il y avait des questions par rapport à Al-Ulu, et on avait vu toutes les différences d'indication de Al-Ulu, de l'élévation d'Allah Azzawajal à travers les versets du Coran, également la Sunna. Donc Bil-Kitab, également Bil-Sunna, également par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela est arrivé, à titre d'exemple, fi Hajjat al-Wada, donc le pèlerinage d'adieu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donné ses conseils, après avoir fait son serment, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc regardé au ciel, il a levé ses mains, ashara ila sama. C'est-à-dire donc qu'il a indiqué le ciel et il a dit Allahumma al-ballaght ou Allahumma ashhad al-ballaght Allahumma ashhad, c'est-à-dire ce que j'ai bel et bien transmis au mon Seigneur, donc témoigne. Il a regardé et il a indiqué le ciel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-aql également, de par notre raison, également al-fitra, également de par la sainte nature de l'être humain. Lorsqu'il fait des invocations, l'être humain il lève ses yeux au ciel. Et également les Jum'a al-Salaf, comme on l'a vu. Donc, ce qui va à l'encontre de cela, Taïb, de tout ce qu'on a cité, alors automatiquement, c'est quelque chose qui est bâtil, qui est faux. Un troisième, annahu mustazimun li lawazimin bâtilatin la taliqu billah, subhanahu wa ta'ala. Wa la yumkinu liman arafa Allah ta'ala wa qaddarahu haqqa qadrih. وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة رب جل وعلا فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وأن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك بما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. Et nous dit donc le cheikh, le troisième c'est que si on disait cette parole-là, donc qui est le premier avis, et en fait qui est un avis qui est totalement faux, qui est en totale contradiction avec la véritable croyance, il nous dit cela impliquerait donc des choses qui ne seraient pas propres à Allah subhanahu wa ta'ala et à la grandeur d'Allah azza wa jalla. Et celui donc qui connaît, comme il nous dit le cher, celui qui connaît Allah, le Très-Haut, qui lui a donné sa véritable valeur, subhanahu wa ta'ala, et qui connaît également dans la langue arabe ce qu'indique Al-Ma'iyya, comme on l'a précisé précédemment, il nous dit, alors automatiquement, il va dire cette personne, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que cette personne-là dise que le véritable sens de la compagnie d'Allah Azzawajal implique donc qu'il soit donc mélangé à ses créatures. Ta'ala Malik, Tayyib. Et celui qui va dire cela, automatiquement, c'est une personne qui va être ignorante de la langue arabe et deuxièmement ignorante de la grandeur d'Allah, de la grandeur du Seigneur. Donc, si cela est plus que clair, c'est-à-dire donc que la fausseté de cette parole-là est plus que claire, alors automatiquement, il ne nous reste plus qu'à choisir la deuxième proposition, qui était al-qawl al-thani, la deuxième parole, et qui est donc, comme on l'a cité précédemment, qu'Allah Azza wa Jal, il sert ses créatures. Il sert ses créatures de par sa science, de par sa puissance, de par son audition, de par sa vue, de par sa gérance, de par sa puissance, etc. Tout ce qui est en relation donc avec le sens de al-rububiyya, la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, avec donc son relou, avec donc son élévation au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ces créatures sans exception. Et dans ce sens-là, il nous a été rapporté la même chose d'Ibn Kathir et également d'Ibn Rajab. Des textes qu'on va donc citer et que le Cheikh a cité dans ce qu'il a annexé à son livre, après Al-Khatima. Donc il dit, pour ce qui est de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, lorsqu'il a expliqué donc le 19e hadith parmi les Arba'a an-Nawawiyya, il dit أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة وأن العامة تقتضي علمه واتلاع ومراقبة لأعماله. Donc, pour ce qui est d'Ibn Rajab, il dit la phrase qui est la suivante, que la compagnie qui est particulière sous-entend le secours, le soutien, la protection, l'aide, que la compagnie générale sous-entend sa science, son information, son observation de leur acte, des actes donc des créatures. Donc on voit à partir de cette parole que Al-Ma'iyya, elle est de deux catégories, celle qui est dite Amma et qui implique donc la science qu'Allah Azzawajal a de ses créatures, les informations qu'il a d'eux, les observations qu'il a de ses actes, de leur acte, Tayyib. Donc ça c'est Al-Amma. Et pour ce qui est de Al-Khas, celle qui est dite particulière, c'est celle qui implique donc, on verra par rapport à d'autres versets, al-nasr, al-ta'yid, al-hifz, al-i'ana, donc le secours, le soutien, la protection et l'aide. De même, il dit Ibn Kathir, dans l'explication de Surat al-Mujadala, wa lihada, haka ghayr wahid al-ijma' ala anna al-murada bi hadhihi al-ma'iyyah ma'iyyah ilmihi. قال ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. Donc pour ce qui est de la parole de Ibn Kathir, à ce propos, plus d'un rapporte le consensus sur le fait que ce qui évolue au sujet de cette compagnie est la compagnie par ses sciences, et qu'il n'y a pas de doute à ce propos, mais son oui avec sa science et sa vue pénètre entre eux. Allah est informé sur ses créatures. Et rien de ce qui les concerne ne passe inaperçu, rien de ce qui les concerne, ou rien de ce qui les concerne ne passe inaperçu. Ensuite, le shir, donc on voit bel et bien de ce qui a été rapporté par le shir al-Uthaymin, rahimahullah, c'est bel et bien également la parole de Ibn Kathir, de Ibn Rajab et d'autres savants également. C'est-à-dire donc que cette ma'iyya, elle implique donc la science d'Allah Azzawajal. Elle implique également qu'Allah, il les voit, qu'Allah, il les entend, qu'il a la puissance sur eux, subhanahu wa ta'ala, etc. Il nous dit وَهَذَا وَظَاهِرُ الْآيَتَيْنِ بِلَا رَيْبِ لِأَنَّهُمَا حَقٌّ وَلَا يَكُونُ ظَاهِرُ الْحَقِّ إِلَى حَقًّا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبَاطِلُ ظَاهِرًا ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. Donc il nous dit que ce qui était ici expliqué, c'est bel et bien ce qui est l'apparence des deux versets, sans aucun doute, car c'est la vérité. L'apparence de la vérité n'est que vérité, et qu'il n'est pas possible donc que al-batil, que le faux, soit l'apparent ou ce qui est apparent du Coran. Ça, bien entendu, abadan, strictement impossible. Ensuite, il va nous rappeler également une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية. Il nous dit donc la parole du Cheikh l'Islam. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قولي ومعك أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أن مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قولي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قولي وهو معهم أينما كان الآية ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على الظاهر ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. Donc ici le Cheikh, il va nous dire, en rappelant la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que al-ma'iyya, elle va, quant à son sens, être différente. Quant à son sens, elle va être différente. Warfwan. Thumma hadhihi al-ma'iyya takhtalifu ahkamuha bihasab al-mawarid. Ici, il nous parle donc des ahkam, al-hukm. Qu'est-ce qu'est al-hukm par rapport au sifat? Qui c'est qui se rappelle lorsqu'on parle de hukm ici? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport au sifat? Qui c'est qui s'en rappelle? On a expliqué ça. Taïma al-tafi d'adha al-qadr, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.